Chapitre 7. Ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez, et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, de peur qu'ils ne se tournent contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre s'il lui demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il lui demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les livres des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui les utilisent. Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en se donnant l'apparence de moutons, mais au-dedans ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs actions. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand viendra le jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé en ton nom des messages reçus de Dieu, nous avons chassé en ton nom des esprits mauvais, nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles. » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison, et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules étaient très étonnées de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais lui les enseignait avec autorité.